Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la pop, alors que certains se souviennent qu'à Paris, donc, eh bien, il y a 50 ans, les Beatles arrivaient, c'était en janvier-février 1964. Après avoir lundi suivi l'ancien critique de Best, Michel Ambarek, alors qu'il nous guidait dans le Paris des années 70 et 80 à la recherche des lieux de concert en particulier, mais également des disquaires. Puis hier, écouter le documentaire de Patrick Boudet et de Véronique Samuilov sur la pop française, un documentaire qui a fait surgir nombre de souvenirs chez vous, chez nos auditeurs, vous qui avez vu en concert par exemple les variations Triangle ou Ange. Et avant demain de nous lancer dans une tentative de définition de ce qu'est la pop, nous allons ce matin nous intéresser aux années 80, quand des maîtres de la pop ont inventé entre guillemets la world music. Quel rapport y avait-il entre cette expression forgée autour de Peter Gabriel en particulier et la sono mondiale promue en France par la Radio Nova? Quelle place reste-t-il alors pour les musiques traditionnelles qu'on appelait ainsi auparavant? C'est ce que nous verrons avec Anaïs Quien, qui a préparé cette émission avec nous, avec Philippe Guimplovis, il est professeur de musicologie à l'université d'Évry et auteur entre autres du roman du jazz chez Fayard, mais également des résonances de l'ombre toujours chez Fayard l'année dernière. Et nous aurons également Denis Laborde avec nous, il est ethnologue, il est directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et il préside l'Institut de recherche sur les musiques du monde. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et on peut dire aujourd'hui que vous êtes au cœur d'un sujet que vous connaissez bien, puisque, allez, on va le révéler à nos auditeurs, vous avez travaillé sur cette question-là en tant que chercheuse pour un travail autour de Radio Nova. Donc, un petit peu, c'était un des chapitres de cet embryon de recherche. Oui. Voilà, sans vous faire rougir, nous sommes également avec Philippe Guimplovis, que les auditeurs de France Culture connaissent bien, et ceux de La Fabrique en particulier. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous, et avec Denis Laborde, qui est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Bayonne. Bonjour Denis Laborde. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Alors, Philippe Guimplovis, avant de commencer cette discussion sur ces années 70, 80 et 90 qui ont vu naître cette notion de world music, il faut peut-être replacer ça dans une plus longue histoire de la musique. Vous qui êtes donc musicologue, tout compte fait, ce goût pour les musiques lointaines, exotiques, les airs qui nous viennent de loin, ça n'est pas un goût extrêmement récent. On peut dire que depuis très longtemps, et en particulier peut-être la fin du 19e siècle au moins, eh bien on est allé chercher des musiques ou des airs qui venaient de loin et on les a matinés avec les musiques européennes. Oui, enfin c'est une vieille tendance de la musique. On peut même remonter avant le 19e siècle. On peut aller jusqu'au 18e avec les Turqueries chez Mozart Bien ou sûr. Chez Haydn. Toujours chez les mêmes musiciens savants, le goût pour les musiques celtes, les musiques irlandaises, écossaises, on a ça chez Pleyel. Et je dirais que quelque chose naît pour moi à la fin du 18e siècle chez un philosophe qui s'appelle Herder, qui est le premier à collecter d'abord des chants populaires. Mmh. Sur le thème, il existe un lien très étroit entre les chansons, l'âme d'un peuple et un territoire. Et c'est très intéressant parce que Herder est le précurseur du nationalisme allemand, pour aller très très vite. On dit d'ordinaire que tout finit par des chansons, mais en tout cas cette histoire des idées commence. A commencé par des chansons. Ouais. Et donc évidemment, il y a une grande différence entre cette collecte que d'ailleurs toutes les nations en train de se forger, se créer en Europe centrale ou ailleurs vont faire de ces chants traditionnels, et puis même sur le territoire français, donc le Barzaz-Breis ou d'autres collègues comme ça du 19e siècle, est-ce qu'on connaîtra plus tard, c'est-à-dire avec l'invention du disque, avec l'invention de la musique enregistrée tout de même? On peut dire très grossièrement qu'il y aurait deux catégories. Il y a les musiques par le peuple. Les musiques par le peuple, c'est les musiques faites dans des communautés traditionnelles, coutumières. On va chercher des musiques, comme vous le dites, ça sera Bartok, ça sera Kodály, etc. On va collecter des musiques qui semblent représenter une forme d'authenticité d'un territoire et d'une communauté à l'abri des instances polluantes de la grande musique, d'une part. Il y a la musique pour le peuple. Et la musique pour le peuple, ça sera la musique faite qu'on appellera plus tard la musique de variété, quoi, la musique ou la musique de masse. Et cette variété va aller puiser justement dans ces sources lointaines, dites exotiques d'une certaine façon. Oui, alors de manière évidemment, enfin, quand on dit exotisme, c'est pas très, c'est pas un terme qui est pas très gentil du côté des musicologues ou des historiens. D'abord, on a ça dans l'opéra comique 18e et 19e, les pèlerins de la Mecque, enfin, chez Gluck, on a ça énormément, et puis ça explose à la fin du 19e. Là, on retrouve la fin du 19e. Avec la Martinique, la Machiche, voilà. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher plus loin quelque chose qui est destiné à apporter un supplément de quelque chose aux auditeurs. Donc on arrivera évidemment à Joséphine Baker, mais etc., etc. Quoi. Alors tout de même, il y a une vraie différence, parce que nous ne sommes pas dans une histoire de la musique en général, pourrait-on dire, mais une histoire de la pop. Avec vous, Denis Laborde, qu'est-ce qui se passe dans ces années électriques 60 et puis 70, on dit souvent, quand on regarde les articles écrits sur la question de la world music, qu'il faut se tourner vers les Kings et vers les Beatles à la fin des années 60, quand ils vont chercher, par exemple, pour les Beatles, la sitar de Ravi Shankar, par exemple, qu'ils le mêlent dans leurs albums, et en particulier Sgt. Pepper's, à leur propre mélodie. Est-ce que c'est là qu'il faut voir un acte, entre guillemets, de naissance de ce qu'on appellera plus tard la world music? C'est-à-dire que, comme on ne sait pas exactement ce que c'est la world music, on peut mettre l'acte de naissance à peu près n'importe où. Donc, c'est une question de curseur, et là, Philippe l'a très bien montré. Moi, ce qui me manque dans la série historique, c'est quand même le Concert des Nations, Couperin. Bon, c'est quand même des séquences... c'est un souci constant de la part des créateurs de puiser dans de l'ailleurs. Alors après, il a fallu effectivement donc tout ce mouvement du 19e siècle. On a conçu des recueils qui ont fonctionné comme autant de sources d'inspiration pour les compositeurs. Moi, j'ai envie de citer tout de même l'enquête Fortoul, qui a été une enquête sous le Second Empire en 1852, qui a été énorme. 3850 feuillets qui sont toujours conservés à la Bibliothèque nationale parce que ça n'a jamais été publié. Mais ils n'ont pas été traités. Mais quand même, ça en dit long de ce qui peut se passer au milieu du 19e siècle, de ce souci de l'enquête, de se construire une entité en France, pour en puisant dans la région. Alors, ce qui se passe dans les années 60, fin des années 60, vous dites 64, les Beatles à Paris, effectivement. En 71, ils sont sur les rives du Gange. Ils visitent Maharishi Mahesh Yogi. Bon, alors après, il y a cette rencontre avec Ravi Shankar. Je ne sais pas, moi, je n'aurais pas tendance à placer ça comme un acte vraiment de naissance de ce que... On appelle rétrospectivement la world music. Là, je vais être embarrassé pendant une heure avec ces termes, mais bon, il faut l'affronter. Il faudra en trouver un autre, si vous voulez. Vous pouvez en proposer un autre. On ne fait que déplacer le problème. Mais non, mais moi, je le situe un petit peu après, peut-être. C'est-à-dire plus, effectivement, vous avez évoqué Brian Eno, John Hassell, David Byrne, et évidemment, Peter Gabriel, qui a été la figure charismatique... qui a lancé ce mouvement avec Ornette Coleman, Don Cherry, qui sont un peu les initiateurs de ce qu'on appelle alors un peu le multiculti. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. On va revenir en 1959 avec une bande originale de film. Ça s'appelle Orfeo Negro. C'est gentil, c'est mon année de naissance. Justement, on est presque pays tous les deux. Donc allez, on écoute Orfeo Negro. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sono pra fazer a fantasia de rei. Ah, pourquoi avez-vous choisi, Anaïs Quin, de commencer le premier morceau de musique par cet Orfeo Negro? Parce qu'elle est citée par les musicologues comme un des truchements de l'introduction, de l'acculturation peut-être de l'oreille occidentale à la bossa nova, dans la bande originale d'un film qui va avoir du succès et qui va faire entrer ces mélodies, cette mélodie de Jobim, dans l'oreille occidentale, dans une culture qui va prendre de l'importance et qui va introduire comme ça cette habitude de ce mélange de musique un peu plus classique avec ces musiques une musique du monde. Je vais employer ce mot-là par. Pardon, là, c'est pas tant de musique. Là, je vais parler en tant que témoin presque. Ah bah voilà. On y tombe. On peut pas éviter ça. C'est le retour à l'origine. Voilà, allez-y. Non, c'est-à-dire que ce qui a été très frappant dans cette musique et ce qui m'a encore frappé en écoutant ça, c'est effectivement un autre son, c'est d'autres rythmes et c'est d'autres accords. C'est-à-dire que pour la première fois, on a entendu une musique venue d'ailleurs qui représentait musicalement quelque chose de très troublant et de très très intéressant. Enfin, beaucoup de guitaristes ont essayé de rejouer de cette manière-là avec ces accords, ces rythmes. Et là, j'écoutais, je crois que c'est Louise Bonfa qui chantait ou Antonio Carlos Jobim, je ne sais plus. Mais cette espèce de décalage, on s'est dit, mais enfin, c'est incroyable, on n'a pas ça chez nous. Même dans le jazz, on n'avait pas ça. Mm-hmm. Sur ce point, Denis Laborde, sur disons cette surprise à la fois et ces musiciens qui se laissent surprendre aussi par des rythmes et des musiques différentes. Oui, mais dans la tradition savante, tout ce mouvement est accompagné aussi, par l'aura de Villa-Lobos, par l'aura de, au Conservatoire de Paris aussi dans ces années-là, il y a une attention portée au Brésil qui fait que du point de vue musical, l'entrée de la bossa nova était d'une certaine manière préparée, le terrain était prêt pour que. C'est les travaux d'Anaïs Féché ou d'autres qui nous disent ça, effectivement, comment les liaisons transatlantiques entre le Brésil et la France remontent à la sortie de la Première Guerre mondiale et qu'il y a déjà des habitudes d'écoute qui se sont mises en place, en tous les cas. Alors, il y a tout de même quelque chose de très nouveau, c'est que vous avez cité, en l'occurrence, Denis Laborde, Peter Gabriel, qui donc va lancer le mouvement de la world music avec autour de lui à la fois un festival, le WOMAD, mais aussi une marque de disques qui s'appelait Real World, c'est que on va chercher partout dans ce qu'on appelle les musiques traditionnelles, dans tout un tas de foyers musicaux, des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude jusqu'alors de mixer avec la musique occidentale, avec la pop occidentale en particulier. Et là, on va chercher en Inde, on va chercher au Pakistan, on va chercher Nusrat Fateh Ali Khan, par exemple, qui va jouer, par exemple, un concert fameux à l'université d'Aston en 1988, mais qui va être un peu partout, donc à côté de Birmingham. Mais il va être un peu partout, donc mélangé avec des musiciens occidentaux. On va chercher en Afrique aussi. Et tout cela, c'est extrêmement important que de le dire, c'est-à-dire c'est la multiplication de ces sources d'inspiration, la mondialisation de ces sources d'inspiration, Denis Laborde. Oui, alors la mondialisation, elle se fait dans une dimension post-coloniale, c'est-à-dire qu'effectivement, à Londres, on va chercher les musiciens au Pakistan ou en Inde, effectivement. À Paris, on va aller chercher en Afrique. Enfin, bon, voilà, c'est le partage des rôles entre les studios et les compagnies de disques sont assez marqués dans cette période-là. Donc, effectivement, Nusrat Ali Fakhtar, on le retrouve dans les studios à Londres, après à New York. Et ici, c'est le choc en retour des virtuoses de l'afro qu'on retrouve à Paris avec Ray Lema, Youssou N'Dour, Salif Keïta, Mori Kanté, enfin il y a aussi Alpha Blondie, Touré Kounda, voilà, et puis Khaled un peu plus tard, qui participe de cette invention. Je ne sais pas comment dire, on peut Vous êtes toujours gêné par le terme. Non, je ne sais pas si vous voulez qu'on les décline sur le plan technique. Si, allez-y, bon, allez-y. Grosso modo, On prélève un répertoire traditionnel qu'on accompagne d'un beat, qu'on accompagne d'électricité, d'effets de traitement de traitements innovants et qui produisent effectivement, ce qu'a dit Figuplovic tout à l'heure, un son inédit. Et chaque fois, on est à la recherche de sons inédits et on fabrique un objet totalement inédit, c'est-à-dire qu'il n'est plus vraiment l'objet traditionnel qu'on peut trouver dans les sociétés traditionnelles, mais qui est un objet totalement nouveau dans l'univers de la pop mondiale. Mm-hmm. Anaïs Kien. Mais avant qu'on parle de musique du monde, même dans les années 70, peut-être pour revenir sur un territoire un peu plus français, dans les radios libres, les toutes premières radios libres, celles qui sont réellement pirates à la fin des années 70, on commence aussi à entendre ces musiques qu'on n'entendait pas vraiment à la radio. Il y a une tentative par Louis Dandrel à France Musique à partir de 75 qui va tenter de programmer ces musiques du Sud, puisqu'on n'est pas encore dans la catégorie musique du monde, et qui va subir un cuisant échec puisque l'expérience s'arrête très vite. Philippe Gimplovic, j'imagine que vous avez à en dire quelque chose, puisque toutes ces programmations finalement vont être rejetées par le public et parfois par un public d'élite, comme Jean-Paul Sartre qui se plaindra justement de ne pas avoir son tapis de grande musique habituel pour travailler dans son bureau. Oui, Philippe Gimplovic aussi, oui. Oui, enfin, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Alors, effectivement, il y a la question de l'inoculation. Enfin, comment ça va être pris, comment ça va être. Enfin, la question de l'emprise. Et puis, il y a aussi, enfin, dans les années 80, une chose dont on n'a pas parlé qui va être essentielle, c'est qu'effectivement, il y a ces groupes qui travaillent et qu'on fait venir. Il y a Gilbert Castro qui, à la fin des années 70, produit les Torre Kunda, comme le disait Anaïs. Effectivement, il y a c'est Radio Nova, c'est Actuel. Enfin, la sono mondiale. Ça commence avec le label Celluloid, même avant Radio Nova. Voilà, même avant, oui. Alors, c'est du côté, oui, exactement. Mais il y a un objet qui va tout changer et qui arrive dans les années 80, c'est l'échantillonneur. L'échantillonneur avec les Akai S612 et puis S900. Et l'échantillonneur, qu'est-ce que c'est? C'est un petit c'est un moyen qui permet de prendre n'importe quelle musique de n'importe où. On branche un micro sur un petit clavier MIDI et on se sert. On prend un son, et le son, on peut le travailler et on peut le mixer à tout ce que l'on veut. Et donc, alors là, on arrive vraiment dans la word au sens. Bon, évidemment, moi aussi, je vais être prudent. Si Denis est prudent, je vais être également prudent. Mais enfin, dans le mixage, dans la bande son mondiale, avec tous les mixages possibles, c'est le fait qu'on peut prendre n'importe qui aujourd'hui peut prendre n'importe quel son dans le monde et le mixer avec un autre son. Alors, il y a un bel exemple que vous avez travaillé, Anaïs Kien, avec notre réalisatrice Véronique Samuilov. Donc, c'est l'exemple de Soul Makossa, le titre très connu de Manu Dibango, qui date, je crois, de 72-73, je ne sais plus. Oui, c'est une phase B, en fait, voilà. D'un hymne pour l'équipe camerounaise de football. Voilà. Et donc, ce morceau donc, va être redécouvert en tant que phase B un peu plus tardivement, récupéré et retravaillé par qui? Par des grandes vedettes de la pop en particulier. Oui, le morceau est récupéré et devient un succès mondial déjà dans un premier temps, dans la version de Manu Dibango, en passant par les États-Unis et notamment en rencontrant les mouvements de revendication noire. Et ensuite, le morceau va être volé, récupéré. En partie, récupéré. En tout cas, il y a eu un procès et je crois qu'il y a eu des arrangements financiers entre eux, récupéré dans un premier temps par Michael Jackson et ensuite plus récemment par Rihanna. Petit exemple donc de ces récupérations. Thank you. Alors voilà un bel exemple, juste avant d'écouter cet exemple de mélange entre l'œuvre originale de Manu Dibango et puis celle des reprises travaillées par Michael Jackson en 83 et par Rihanna plus récemment en 2007, Denis Laborde, on parlait de cette question de la mention de l'échantillonneur. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, c'est un moyen technique et les moyens techniques sont très importants dans tous les domaines pour pouvoir montrer les évolutions du sens et de ce que nous voulons produire d'une certaine façon. Et là, en l'occurrence, eh bien, la musique peut être changée par l'intermédiaire de l'invention de cet échantillonneur, Denis Laborde. Absolument. L'échantillonneur, c'est la rencontre des flux. Donc à partir du moment où les flux peuvent se rencontrer, on peut faire sortir de cette boîte d'autres flux en recherchant des formes d'innovation. Et c'est donc ce qui se passe dans cette période bénie, j'ose dire, du début des années 80, où effectivement, à la fois, on a l'invention d'un support technique qui rencontre un air du temps quand même, parce qu'il faut relier, il faudra à un moment donné dans cette émission qu'on relie ce mouvement esthétique à les changements politiques assez forts qui interviennent dans ces périodes-là. Bah allez-y, puisque vous êtes là-dessus. Effectivement, donc on a à la fois une invention technique qui permet de mixer, de fabriquer du nouveau, de créer ce qu'on appelle alors... effectivement, la sono mondiale, enfin, Philippe Conrad appelle ça comme ça, le global sound, l'ethnopop, le world beat, le world dub, le world fusion, trans music, on ne sait pas trop, ethnopop. Stop, non, je n'ai plus. J'en ai d'autres à votre disposition après l'émission, si vous voulez. Et effectivement, donc on est dans le moment où Radio Ivre et Radio Verte, hein, puisqu'on a parlé des radios libres, des radios libres, de l'avant 80, voilà, qui fusionnent pour créer Radio Nova. Et effectivement, donc on est dans l'élection de François Mitterrand en France et donc la création des radios libres et toute une invention, une ouverture qui va se jouer là autour notamment donc du magazine Actuel. C'est une ouverture de Denis Laborde, mais c'est aussi un mouvement d'opposition. Lorsque Radio Nova change sa ligne éditoriale pour devenir la radio de la sono mondiale en 83, c'est aussi en réponse à la percée électorale du Front National. Et il me semble que dans la première fois que quelqu'un en parle de l'équipe d'Actuel et de Radio Nova, c'est Patrice Van Hersel qui ne réserve pas ce terme de sono mondial uniquement aux musiques du Sud ou extra-occidentales. Il y met à l'intérieur le rock letton, la rumba zaïroise. C'est un projet politique finalement de déterritorialiser les cultures pour en faire un ensemble dans lequel l'oreille peut voyager du nord au sud sans justement cette frontière qui bipolarise le monde culturellement. Denis Laborde. Oui, tout à fait. C'est un des aspects de ce dossier, c'est-à-dire que la world music, c'est malgré tout, enfin de la part de ceux qui portent ce projet, c'est connoté d'une manière positive avec des valeurs d'ouverture, des valeurs de donner la parole à ceux qui n'entrent pas dans les circuits mainstream de la distribution discographique, ceux qu'on ne peut pas entendre. Et donc effectivement, à partir de 83, c'est effectivement le tournant où on ouvre complètement, pour quelques années seulement, parce qu'ensuite la ligne éditoriale va à nouveau changer, mais où on ouvre les ondes en quête d'une diversité qui ne concerne plus le Sud. Bien que musique du Sud, ça ait encore une pertinence aujourd'hui. Enfin, ça fait partie de certains intitulés, à mon grand regret. Mais voilà, on ouvre effectivement à toutes les musiques du monde. Et à ce moment-là, il y a festivals comme le Festival de l'Imaginaire à la Maison des Cultures du Monde à Paris qui s'ouvre à ce moment-là des musiques qui accoutent absolument extraordinaires. On découvre des musiques de Sibérie, on découvre tout un monde de musique qui n'est pas seulement orienté dans cet axe nord-sud. Et il ne faudrait pas d'ailleurs oublier le travail formidable fait depuis très longtemps par les studios de la radio et les techniciens de la radio avec les disques qui étaient les disques Okora, où on allait enregistrer un peu partout ces musiques populaires et savantes, parfois d'ailleurs. Alors, vous évoquiez à l'instant même, Denis Laborde et vous, Anaïs Quien, le cas de Radio Nova. Vous avez, pour votre travail de recherche, interrogé il y a quelque temps Rémi Kolpakopoul, qui est quoi. Rémi Kolpakopoul, je l'ai interviewé en 2008. Moi, je l'interrogeais plutôt sur la période des années 70 où il travaille dans les pages Culture de Libération. Mais ensuite, il est devenu un des passeurs de la sono mondiale sur les antennes de Radio Nova. Oui. On écoute son analyse. Bon, la musique est un mot très commode pour faire tête de gondole. Mais un mot qui ne veut rien dire, parce que world music, c'est les musiques de tout le monde, du monde entier. Donc, j'aimais beaucoup plus ce mot, lancé, je crois, par Patrice Van Hersel, qui faisait partie de l'équipe d'Actuel et qui était sono mondial. Parce que c'est le côté haut-parleur, on voit le camion qu'on trouve en Afrique ou en Amérique latine avec la sono dessus, c'est imagé, et c'est ça que ça représente. Alors, donc, effectivement, après mes années 60, les années pop et les années 70, les années disco, on va le dire comme ça, simplement, il y a eu un peu des entre-ouvertures. Ça a été la musique africaine. Évidemment, elle existait déjà, elle a toujours existé. Mais elle a été vraiment véhiculée par les artistes de la jeune génération africaine en France et aussi en Angleterre avec les pays anglophones. Hein. Elle a vraiment existé à partir des années 70, à partir du moment où je dirais que les générations post-68 se sont retrouvées sur un même niveau et avec un même niveau d'écoute de ce qui se passait ailleurs et entre autres de ce qui se passait dans le pays d'accueil. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir un vrai mélange entre les musiciens, par exemple africains, ici en France, et les jeunes musiciens français commençant à s'intéresser à autre chose qu'au rock et à la pop. Donc c'est une forme hybride des musiques folkloriques telles qu'on a pu les décrire en parlant de world music plus tard. Oui, mais c'est une forme hybride, c'est une forme urbaine surtout. Et le fait que c'est ici à la porte, donc ce sont des choses qui aident évidemment au niveau du processus de création. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la musique africaine, il y a par ailleurs, la musique latine qui a fait différentes vagues depuis les années 30, hein, la rumba dans les années 30, le mambo, le cha-cha-cha dans les années 50, et puis dans la fin des années 70, la salsa. Bon, le Brésil, parce que le Brésil a toujours été dans l'air du temps. Il y a eu les dictatures, donc l'exil. Donc les musiques latino-américaines qui ont été aussi nourries par les jeunes exilés ou les fils des exilés. Hein, les groupes chiliens en France, et bon. Après, sont arrivées d'autres vagues. Le Zouk a déboulé avec Kassav, la Biguine avec Malavoie, et s'est ouvert au tout début des années 80 à un public non communautaire qui commençait à s'ouvrir les oreilles de tout ça. Après est arrivé le raï, qui est une forme là encore urbaine de la musique arabe d'Algérie. Oui, parce que ces musiques-là, c'était aussi une musique de l'immigration. Oui, c'était une musique de l'immigration, qui est souvent une musique des fils d'immigrés d'ailleurs, ceux qui pouvaient se mélanger et en même temps parler hors communauté et trouver des interlocuteurs pour la faire, cette musique. Donc, il y avait la presse. Donc, est arrivé dans le panorama actuel qui fouinait dans le monde entier et ramenait des musiques, en ping-pong avec Libération, où on pouvait décréter que tel personnage inconnu pouvait être un événement et en faire deux pages. Alors voilà pour le témoignage de Rémi Kolpakopoul, un des pères justement de cette sono mondiale à Libération d'abord et surtout à Radio Nova. Donc, et tout de même, il y a quelque chose qui est sous-tendu par cette discussion et c'est la liberté de circulation. C'est-à-dire que c'est un monde où peut-être plus qu'aujourd'hui, on peut voyager, en l'occurrence Denis Laborde, et où les musiciens qui viennent d'Afrique... Pas tous. Non, mais à l'époque, peut-être, certains d'entre eux peuvent venir plus facilement qu'aujourd'hui. Il y a peut-être moins de restrictions de visa, etc. Qu'en est-il de... Est-ce que je me trompe sur ce point-là, Denis Laborde, pour qu'on puisse venir à Londres enregistrer, se mélanger, travailler avec, dans des studios parisiens avec des musiciens venus d'ailleurs? Vous avez le don d'appuyer là où ça fait mal. Hein. Donc effectivement, on peut pas cacher que effectivement les studios s'ouvrent parce que la circulation est possible. Et c'est pas un hasard si à Berlin, par exemple, quelqu'un comme Christoph Borkowski, qui est très impliqué dans le Woman, qui est devenu le Womex maintenant. Donc voilà, l'invention par Peter Gabriel et ceux qui sont autour de lui. Voilà, voilà. Et Borkowski a pris un petit peu la suite, d'une certaine manière, en organisant depuis Berlin cette grande messe annuelle des musiques du monde, ou de la world music. Et ça se passe en 89, quand le mur chute et qu'une radio comme Radio Multiculti à Berlin prend une expansion considérable. Voilà, une radio d'ailleurs qui a fermé, et ça c'est peut-être... Ah, si. Une histoire à mettre en lien avec votre question qui a fermé il y a 3 ans. Donc effectivement, dans ce moment-là de l'élan des années 80, la circulation se trouve facilitée et on peut accueillir des musiciens d'ailleurs. On va même les chercher, Denis Laborde. Et on va les chercher, on organise des festivals. Enfin, on n'a pas beaucoup encore parlé des festivals, mais... quand même, les festivals ont joué un rôle très, très important, que ce soit les découvertes RFI, Printemps de Bourges, Francofolie. Sur cette scène-là, on jouait quand même un rôle très important. Et évidemment, c'est un problème qui, aujourd'hui, revient d'une manière assez tendue et assez difficile, parce que les conditions pour l'obtention des visas n'est pas si facile que ça. Et il y a un réseau comme Zone Franche qui est un réseau qui rassemble les professionnels du secteur de la world music ou des musiques du monde en France, qui nourrit une réflexion très, très pointue et très aiguë là-dessus, sur comment faire en sorte que les artistes qui sont invités pour des festivals ou pour des enregistrements puissent venir dans des conditions... qu'on les considère comme des artistes et pas comme des... des tricheurs de l'immigration. Voilà. Donc là, il y a quand même, sur l'attribution des visas, une grosse difficulté qui n'est pas vraiment l'objet de l'émission, je pense, mais qui est quand même sous-jacente par rapport à la manière de faire exister ce monde de world music aujourd'hui dans notre société. Anaïs. Et puis, il y a certains musiciens qu'on va attendre très longtemps, notamment Mahmoud Ahmed, qui ne peut sortir... Ouais. Pendant de nombreuses années, je sais que les programmateurs de Radio Nova me racontaient qu'ils avaient rapporté sur un petit bout de bande une copie de Erre Mela Mela, qui est un grand tube de Mahmoud Ahmed, et qu'ils passaient en boucle à l'antenne de Radio Nova, et qu'ils ont dû attendre presque 10 ans avant de pouvoir voir et écouter en live Mahmoud Ahmed, qui ne pouvait pas sortir d'Addis Abeba pendant tout le début des années 80. Denis Laborde, toutes ces questions donc, sont des questions d'accès au marché, mais aussi il y a des questions qui sont liées à la façon dont on va marier ces musiques. Quelquefois d'ailleurs, les supports d'enregistrement permettent de très loin de faire dialoguer deux musiciens ensemble sans qu'ils aient besoin de se déplacer. On a vu souvent enregistrer, et c'était une des grandes critiques des spécialistes de musique traditionnelle, des voix bulgares ou dites bulgares avec des musiciens qui étaient dans des studios à Paris ou à Londres en l'occurrence. Oui, en 71, c'était les premiers essais, effectivement, et ça s'est poursuivi. Au départ, disons qu'on a, dans notre imaginaire, une musique, un répertoire est lié à un lieu, à une pratique. Ce qui se passe dans la world music, c'est que ce qui est considéré comme une conduite culturelle se trouve à un moment donné transformé en pratique artistique. Et c'est ce mouvement-là de transformation d'une conduite culturelle qui fonctionne un peu par habitude, localement, devient une pratique artistique, c'est-à-dire un genre nommé qui va fonctionner par des codes consentis et se trouve décontextualisé pour devenir un objet hybride sur une scène qu'on va mixer effectivement soit de studio à studio, soit en créant, comme c'est le cas actuellement à Royaumont, par exemple, à l'abbaye de Royaumont, des programmes, en région parisienne, pardon, des programmes de musique transculturelle, voilà, où là on met des créateurs en résidence ensemble pendant plusieurs périodes d'une semaine, et à charge pour eux de produire un objet inouï, au sens jamais entendu. Voilà. voilà. Mais qui ressemble à quelque chose qu'on va appeler world music, puisqu'on ne sait pas comment appeler autrement. Philippe Gaplovitch, sur ce point. Et... Oui, moi je voulais dire quelque chose là-dessus, parce que c'est bon, on est dans un domaine qui s'appelle le goût musical. Et le goût musical permet d'interroger la société, d'interroger l'époque. Et il y a un paradoxe tout de même que je trouve extraordinaire dans ce goût musical contemporain, le nôtre, au fond. C'est que, d'une part, il y a une aspiration à l'authenticité qui est très forte. On va chercher le pur. Et le pur, on ne peut, nous, Européens, le chercher qu'aux marges, évidemment. Et plus c'est loin, plus c'est lointain, plus le certificat de pureté est garanti, est avéré, et on est très content. Mais en même temps que l'on cherche le pur, en même temps qu'on le trouve, qu'est-ce que l'on veut faire? On le mélange. On le mélange, et on le mélange à d'autres purs, ce qui fait qu'on se retrouve on le mélange à d'autres purs, ou alors à une rythmique très très occidentale. On mixe le tout à Berlin, à Paris ou à Rome, et on en fait un produit qui vante. Alors là, on retrouve quelque chose qui est tout de même très très subtil, qui vante la rencontre. L'extraordinaire de la rencontre, le côté merveilleux de la rencontre où des artistes communiquent. Comme si, à mesure que les frontières se hérissent, à mesure que les communautés se heurtent, on aurait besoin que la musique vienne nous dire, vous savez, c'est pas du tout comme ça, on est tous frères, on se mélange, tout est possible, on peut mélanger les pygmées à Jean-Sébastien Bach, on peut mélanger... c'est ce qu'avaient essayé de faire les jésuites dans les réductions jésuites du Paraguay Oui, enfin bon, parce qu'il y a, bon, il y a ça sur les... on peut faire un Mozart égyptien, vous voyez, enfin bon, là, c'est un disque qui est bien... et on est tous, voilà, comme ça, une espèce de parenté souterraine qui existerait, mais qui en même temps contredit ce besoin d'authenticité qui est présent. Donc, je ne sais pas, là, c'est vraiment quelque chose qui interroge fortement l'époque. Alors, Denis Laborde, il y a quand même une question qu'on n'a pas traitée, en l'occurrence, dans cette discussion autour de l'invention et du développement de la world music, donc dans la foulée de la pop des années 70 et des années 80, c'est la réaction des spécialistes de musique traditionnelle. J'étais très surpris, dans la documentation m'a fournie, de voir combien, en particulier à la Bibliothèque musicale de Radio France, combien les réactions des spécialistes de musique traditionnelle, donc ceux qui travaillaient sur ces musiques-là, ont été choqués par ce métissage, ces mélanges, ces inventions avec de la musique électronique, et on réagit avec une vigueur, une violence même parfois contre cette invention de la world music de façon très forte, en l'occurrence Denis Laborde. Oui, est-ce que je peux dire que c'est encore le cas? C'est-à-dire que vraiment la naissance, enfin, ou le développement de la world music a scellé un divorce entre l'ethnomusicologie, qui avait en charge ce domaine, et puis, je ne sais pas, une sociologie ou une économie de la culture. Mais pourquoi c'était parce qu'il y avait de l'argent parce que c'était sale de faire de l'argent avec ces questions-là, de les mélanger. Qu'est-ce qu'il y avait allait à l'encontre de l'idée de pureté, justement, dont parlait Philippe Gaplovitch tout à l'heure. Voilà, c'est exactement ce que Philippe vient de signaler. C'est-à-dire que on reste ancré dans l'ethnomusicologie sur l'idée que la recherche doit porter sur des isolats, sur des entités musicales aussi pures que possible, donc authentiques. Or, le monde change, il y a tous ces mélanges qui s'opèrent, et parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce qu'il y a de l'électricité, parce qu'il y a de la circulation planétaire, et parce que les codes, finalement, ne sont pas véhiculés avec ces morceaux de musique. Si on entend de la musique gnawa, par exemple, aujourd'hui au Quai Branly, on n'a pas accès à tout l'arrière-plan de ce que cette musique signifie. Donc ça devient... Mais en revanche, on sait que les Rolling Stones ont enregistré avec les gnawa, par exemple. Donc Absolument. Et donc le divorce, il s'est scellé là-dessus. Donc comme vous le dites, suggérez, il y a des questions d'argent, mais il y a surtout des questions de répertoire. Et bon, chacun a en mémoire la sortie de Sima Arom, le grand ethnomusicologue spécialiste des musiques de l'Ouest africain, qui passe sa vie à comprendre le langage musical de ces communautés, à se trouver outré par le fait que n'importe quel musicien jouant à peine d'un instrument dans une communauté puisse être invité sur une scène parisienne, par exemple, et revenir dans son pays auréolé de ce prestige et servir de nouvel étalon musical, alors que le message musical qu'il portait n'était pas forcément le message, dit-il, authentique de la communauté en question. Voilà, donc c'est sous cette perte de repères qu'occasionne la circulation mondialisée des musiques que les ethnomusicologues critiquaient. Il y a une chose que j'ai lue hier. Bon, Pete Seeger est mort hier à un âge vénérable. 94 ans. Et il y a un texte qui circule sur les réseaux sociaux, qui est une espèce de texte testamentaire, quoi qu'il ait été écrit dans les années 70, où Pete Seeger enjoint les peuple du monde à dire défendez vos musiques, c'est bien la musique américaine, celle que je joue, vous la trouvez formidable, etc. Mais moi je fais la musique la musique des mineurs, la musique des bluesmen, la musique des noirs américains, etc. Faites de même vous partout où vous êtes et ne vous laissez pas embringuer dans la... Bon, il le dit pas comme ça, mais ne vous laissez pas embringuer dans le grand chariot des musiques du monde, respectez vos cultures. Alors, un autre morceau choisi, plutôt un mélange de morceaux, en l'occurrence par vous, Anaïs Quin, pour illustrer cette question de la world music. Proposé par Denis Laborde. Donc, c'est Sweet Lullaby, donc un morceau de Roro Guela, c'est ça, qui date de 1969. C'est une berceuse, en fait, voilà. Roro Guela, qui va être transformée par Deep Forest, voilà, en 92. Tout le monde va reconnaître le morceau en Sweet Lullaby. Oui. Ça, c'est ça, c'est... Voilà, donc un mélange entre le Roro Guela d'origine et Deep Forest Sweet Lullaby. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cela et pourquoi vous pensez que c'est important de faire écouter justement ce mélange-là ou cette récupération-là à Denis Laborde pour comprendre ce qu'est ce qu'on appelle la world music? C'est la question qui a été posée par Anaïs Klein au tout début de l'émission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter de la musique, surtout dans le domaine de la world music, sans avoir une attitude morale, éthique, à l'égard de cette musique qu'on entend. Alors là, l'affaire, c'est vraiment une affaire. L'affaire Roro Guela, c'est une berceuse qui a été enregistrée en 1971, par un chercheur du CNRS, Hugo Zempf, dans les îles Salomon, et publiée donc en 1973 par l'UNESCO. Plus tard, donc en 1990, le disque est réédité en CD. Et puis Deep Forest, donc Eric Moquet et Michael Sanchez, s'emparent de cette berceuse pour l'échantillonner, comme vous l'avez entendu, avec un dance beat, etc. Mm-hmm. Et ça devient un succès mondial. Voilà, 6 millions de disques vendus, un Grammy Award en 95 avec ce disque. Et voilà. Mais ça veut dire aussi quels sont les droits des auteurs originels, la question des dividendes, des droits d'auteur, etc. Et en fait, du pillage, pourrait-on dire, comme il y a eu un pillage colonial des œuvres, donc matérielles, en l'occurrence, de ces pays-là. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un pillage postcolonial des œuvres de l'esprit, d'une certaine façon? Avec les meilleures intentions du monde. Avec les meilleures intentions du monde, évidemment. Bien sûr. Il y a deux choses. Oui, j'essaie d'être très rapide. Allez-y. D'abord, je dois dire que j'avoue très honteusement que j'aime bien ce qu'a fait Deep Forest. Je trouve que c'est pas si mal réussi. C'est pas si mal réussi que ça. Mais bon, deux choses. La première chose, c'est effectivement donc la question des droits. Comme c'est une musique traditionnelle, il n'y a pas d'auteur attitré, donc on ne peut pas trouver un auteur à qui verser un dividende. Donc, en fait, tous les droits sont allés à Deep Forest. Mmh. Et le problème, c'est que ça a eu un tel succès qu'après, ça a été échantillonné, ça a été repris à nouveau. Et des sociétés comme Neutrogena, Coca-Cola, Porsche, Sony, The Body Shop, en ont fait des musiques d'accompagnement de leurs spots publicitaires. Mmh. Et même un virtuose comme Jan Garbarek, s'est emparé de ce thème pour improviser dessus, enfin, des choses magnifiques, hein, sans savoir que l'arrière-plan de toute cette histoire. Donc, effectivement, ça pose le problème au point de vue des droits, au point de vue financier, de savoir voilà, est-ce que vous avez dit, je ne le dirai pas en termes aussi forts, mais finalement, je crois que c'est ça, finalement, oui. Est-ce qu'on pille un patrimoine mondial pour en faire quelque chose qui nous permet de nous enrichir à travers des mixtures synthétiques. Voilà, c'est une question morale qui accompagne ce mouvement. Ce mouvement. L'autre... Oui, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Et l'autre chose, je fais vraiment très court, c'est l'aspect marketing, on va dire, c'est-à-dire le discours qui accompagne ça. Parce que si je lis la pochette de Deep Forest, voilà, je cite, « Quelque part dans la profondeur de la jungle vivent de petites femmes et de petits hommes. Ils sont votre passé. » Ils sont peut-être votre avenir. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est une philosophie New Age qui accompagne ce genre de produit, mais qui décontextualise totalement, puisque les îles Salomon, enfin, même sans être très fort en géographie, on sait que c'est dans le Pacifique. Et c'est quand même très éloigné des petits hommes qui vivent dans la jungle de l'Afrique de l'Ouest, que véhicule. Voilà, il y a aussi un mensonge à ce niveau-là et pas beaucoup de dignité, je trouve, dans la façon de commercialiser ce produit. Philippe Gimplowitz. Oui, je suis d'accord sur la dimension morale. Et je crois qu'il faudrait revenir à la musique même, à la manière dont tout cela est fabriqué, c'est-à-dire la question du mixage et de la superposition. Parce que, encore une fois, ce qui est vanté, je pense à Imouvrini dans leur album Alma, qui sont allés à la rencontre des Zoulous, disant que c'était quelque chose d'absolument merveilleux. On s'est serré la main et ça a été extraordinaire. Tout de suite, on a senti qu'on était frères. En fait, ce qui se passe, c'est que le mixage est une superposition de nappes. Et donc, on peut superposer tout ce que l'on veut. Et des superpositions, c'est pas des rencontres, hein, c'est une nappe, puis une nappe, puis une autre nappe. C'est alors, un millefeuille. C'est un millefeuille. Oui, c'est un millefeuille. Voilà. Alors, c'est tout de même, comment dire, ça pose des questions même quant à la vérité des choses. Vous voyez, rencontre ou pas rencontre. Non, il y a des. Alors, ça peut être effectivement. Moi, je suis d'accord avec Denis. On peut être très, très touché par ça, mais il faut toujours savoir que derrière cette idée de fusion ou de métissage, le mot n'a pas été prononcé, mais il y a fondamentalement, il y a un leurre, il y a une marchandise tronquée. Et puis, Anaïs. Au même endroit, dans cette world music, on met. Alors. Là, on entendait une berceuse traditionnelle, mais lorsqu'on parle de Eremelamela, de Mahmoud Ahmed ou de Fela Kuti, par exemple, on n'est pas dans la musique ethno, on est vraiment dans déjà une musique inspirée du beat, qui est déjà une musique de fusion. Et au même endroit, dans cette world music, on met des choses effectivement traditionnelles, ancestrales, et des créations d'artistes très récentes, finalement. Philippe Gimplowitz, c'est Denis Laborde. Non, mais juste un petit mot. C'est vrai que ça pose aussi des questions politiques qui nous retournent tous, quoi. Parce que est-ce qu'on est pour l'échange ou est-ce qu'on est pour l'identité, grosso modo? Et on se balance entre les deux. Parce qu'encore une fois, le respect, c'est l'identité. Mais en même temps, on est intéressé à la circulation des choses. Oui. Vous voyez, on peut pas se dire. Et ça touche à des choses politiques extraordinairement. Mais est-ce que la world music, ça permet pas de ne pas choisir, justement? Moi, je ne suis pas sûr. Denis Laborde. Écoutez, moi, je dirais simplement que l'identité, c'est changer considérablement. C'est-à-dire, je reste identique à moi-même à condition de changer considérablement. Oui, donc, on ne peut pas lier. On est obligé de lier identité et changement. Alors après, de quelle manière ça se fait, de quelle manière les transformations s'opèrent, là, c'est ouvert. On ne peut réagir qu'à posteriori. Mais là, il y a quand même un malaise, je dois dire, sur cette scène de la... de la world music et de la circulation. Et on ne peut pas condamner le projet en lui-même, mais on peut être vigilant sur les conditions d'effectuation. Moi, il y a une question que je me pose depuis le début de ce travail sur la world music. C'est, est-ce que c'était une façon pour la pop, la musique occidentale, qui était peut-être un peu en panne, de se relancer? Est-ce que vous avez senti ça, vous qui travaillez sur ces questions-là, en particulier Denis Laborde? C'est-à-dire que c'est surtout l'occasion de donner la parole à des musiciens francophones dans ces années-là, qui n'avaient aucune chance d'avoir un accès à une diffusion qui était entièrement maîtrisée par la pop anglophone. Donc ça a été Pour la Sono Mondiale en particulier, oui, c'est ça. Ah oui, absolument, oui. Oui. Et donc effectivement, il y a... Et donc c'était de renouveler. Oui, c'était une façon de renouveler, c'est ça? Oui, non, mais là c'est sûr, là, c'est vraiment apporté au crédit de la World, c'est le décentrement, comment appeler ça, le décentrement du monde, hein. Il y a eu le déménagement du monde, le décentrement du monde, c'est le fait que des sons africains, des sons du Cameroun ou des sons des Andes peuvent être ou d'Algérie, en eux-mêmes, ou d'Algérie, de n'importe où, ont quelque chose de particulier que nous n'avons pas. Et donc cette recherche du timbre qu'on retrouve aussi dans la musique savante et un peu partout est fondamentale. Moi je vois ça du côté du jazz aussi, parce que le jazz c'était l'Amérique, et dans les années 70-80, comme quoi tout le monde est un peu traversé par ça. Il y a du folklore imaginaire, il y a des musiciens qui veulent mélanger leurs histoires avec l'histoire générale, et ça c'est, je veux dire, ça on ne peut que se féliciter de ça. J'ai l'impression, pour terminer, Denis Laborde, qu'il n'y a pas des dizaines d'ouvrages sur cette question, justement, de la création de la world. Est-ce que c'est en chantier chez les gens qui s'intéressent à l'ethnologie, qui s'intéressent à l'ethnomusicologie, qui s'intéressent à la musicologie toute simple? Écoutez, je crois qu'on est la génération sacrifiée et le chantier est en route par nos étudiants. Moi, j'ai 26 étudiants à l'HESS qui travaillent sur ce problème, donc je peux vous rassurer là-dessus. On attend la publication. C'est en cours sur toutes les régions et sur toutes les musiques du monde. Il y en a qui vont sortir là. Voilà, sur le fait par exemple qu'Edith Piaf ou Charles Aznavour chez un disquaire du nord-est du Brésil s'est classé dans le rayon World Music. Ah, oui, il fallait terminer là-dessus. C'est non, parfait. Non, je voudrais pour terminer. Non, les choristes. Les choristes. Au Japon, sont classés dans le département World Music, département France. Donc on est nous-mêmes World, on est wordisé par les autres. Par les autres. Merci en tout cas. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Claire Maillot, Aurélie Marcet, Marie-Vonne Bolivier, Élise Leu, était à la technique, et Véronique Samouilov à la réalisation. Merci nos confrères de Radio France à Bayonne qui ont accueilli dans leur studio Denis Laborde. En merci également Philippe Guimplovis de nous avoir rejoints ici en studio à Paris. Demain, nous continuons et nous terminons notre série consacrée à l'histoire de la pop en nous intéressant même au concept de pop. Est-ce qu'on peut appliquer ce concept à d'autres arts qu'à la musique? Et surtout, est-ce que tout cela est valide? Nous interrogerons nos trois invités demain sur cette question. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous n'avez pas manqué de le faire depuis le début de cette semaine. Allez donc laisser vos commentaires sur le documentaire d'hier, l'émission d'aujourd'hui ou encore la balade de lundi, et également sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.